La déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, publiée contre les sanctions, pressions et provocations sans précédent des forces hostiles, notamment les États-Unis, épouvantée devant le renforcement qualitatif et quantitatif de nos forces nucléaires nationales, a été largement traitée dans divers pays et régions dans l'espace du 7 au 10 août. Les journaux, agences de presse, radio, télévision et sites internet du Népal, de Mongolie, de l'Inde, du Japon, de Chine, du Brésil, de l'Uruguay, du Nigeria, de Tchèque, de Russie, de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis, les homepages internet du Cercle bulgare d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-il, de l'Association d'amitié Baek-Tushan Tchèque-Corée, du Comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, du Comité national nigérien pour l'étude de Kim Il-sung et Kim Jong-il, du Comité national d'études des études jutsu du Congo démocratique et du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen séjournant en Nigeria et autres presse écrites et parlées de divers pays, ont informé in extenso ou en résumé la déclaration du gouvernement coréen sous différents titres comme « Les États-Unis apeurés du lancement de deux missiles balistiques »,« La Corée critique sévèrement les États-Unis »,« La Corée du Nord avertit les États-Unis qu'ils payeront cher leurs crimes ».